Madame Lainey, il y a un petit problème. C'est parce qu'il n'y a jamais eu deux boutons rouges en haut de ma console d'allumer. Ça fait combien d'années que je fais ça, cette émission-là? Qu'est-ce qui se passe, hein, Madame Lainey? Pouvez-vous appeler quelqu'un pour vérifier si ça va sauter, là? Parce que là, on est le 11 septembre. J'ai la chienne. Ouais, c'est une fox terrier. Ouais. OK. On commence. D'accord. Alors, on va se concentrer. Pourquoi? Ben parce qu'on est le lundi. Puis en plus, ben c'est le... C'est ça, là. C'est la date, là. 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? Mais voyons donc, quand j'ai fait mon spaghetti, le steak à chier, il était pas si frais que ça. On a été malade. Ma femme a été malade. Oh, les enfants de ma femme ont été malades. Oh, voyons. Les enfants de ma femme ont été malades. Puis même moi, ça fait... Depuis ma naissance, je suis malade, là. Puis est-ce que je peux baisser le son de... Oui, merci. Ah, c'est merveilleux. Mais moi, ça fait longtemps que... Ah oui. Même M. Lama, Serge, m'a fait une chanson, oui. Tu es malade. Oh, j'étais malade. Je m'en souviens, le 11 septembre 2021. Et j'avais mangé ça avec le masque en plus. Oh, heureusement, ça avait resté dans le masque. Oh, c'est dégueulasse. Mais depuis ce temps-là, je fais toujours ma sauce à spaghetti, mais je fais humer. Par mon petit Benjo, parce que lui, il connaît ça, la steak à chier. Ah, il en produit, puis il en mange, puis Alors, on y va pour ce 11 septembre 2023. Aujourd'hui, c'est vrai, je commence toujours par un petit texte. C'est ça qui me trouble, là. C'est les deux boutons qui sont jamais allumés. Comment ça, là? Puis la petite madame ici, là, pourquoi tu regardes ce genre de film-là pendant que tu fais cette émission-là? Voyons, tout est bizarre ce soir. Bravo, ça risque de faire une maudite bonne émission. Alors, mes textes. Ah oui. Puis en plus, je viens d'apprendre que pour les gens qui veulent voyager, là, on va nous demander en Europe un truc qui s'appelle le ETIAS. E-T-I-A-S. Ça, c'est un document que l'euro, en plus, ça coûte 10,25 ou 7 euros. Puis, avant d'acheter un billet d'avion ou de réserver un hébergement, il sera important d'effectuer la demande d'autorisation de voyage. Là, j'ai mon voyage, je l'ai pas encore fait. Cette dernière, qui coûtera 7 euros ou 10,25 en argent québécois, devrait être traitée en quelques minutes seulement, mais... Hein, puis ça, dans mon cas, je suis sûr que ça va m'arriver. Mais pourrait prendre plus de temps dans certains cas, et c'est moi ce cas-là. Si c'est le cas, ben vous recevrez une description dans un délai de 4 jours. Veuillez noter que ces délais peuvent être prolongés de 14 jours, maudite bureaucratie. Si vous êtes invité à fournir des informations ou des documents supplémentaires ou juste les 30... Ou juste qu'on vous a, on a les 30 derniers jours si vous êtes invité à un entretien, à préciser l'Union européenne, UE, pour son site web. Assurez-vous que les détails du passeport s'accorderont sans accordéon, s'il vous plaît. Quoique la flûte traversière, ça irait très bien. S'accorderont au permis, bien sûr, ou au passeport. L'autorisation de voyage ETIAS est reliée avec le passeport des voyageurs. Ainsi, si les informations sur les deux documents ne correspondent pas, l'entrée à la frontière sera refusée. C'est pour ceci pourrait bien sûr gâcher de belles vacances dans l'un des 30 pays qui demanderont ce permis de voyage. J'ai déjà mon voyage. Vérifier combien de temps le séjour peut durer. Bon, et puis ces 30 pays-là, c'est quoi? C'est l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, République Polychypre, vinaigre et oignon, s'il vous plaît, République Tchèque, puis Tchèque tes claques, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Hongrie, l'Italie, et puis l'Estonie, puis laisse-moi Tony, non, garde Tony, puis garde-moi Germaine, Lettonie, les Wenchkolsching, Lituanie, Luxembourg, la Malte, ça c'est la bière, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Amande, aujourd'hui, ah c'est vrai le texte. Ça me, je suis bouleversé, j'ai même pas commencé. Ah, bon, tout le monde possède un univers qui lui est propre. Il suffit d'y adhérer ou pas. Un autre, les mots se modulent en s'enlaçant. Pardon, les mots se modulent en s'enlaçant. En ce moment, c'est pas clair, hein? Les mots se modulent en s'enlaçant. En ce moment, ne repasse pas trois fois. Et je la comprends même pas, c'est moi qui l'ai écrite. Mais ça, j'ai écrit ça en 1919, oui. J'étais à peine un spermatozoïde. Un autre texte. On répond avant les oubliettes, on lui demande de partager notre univers. Bon, les mots se modulent, on l'a dit celle-là. Lorsque Buzzy rencontre Belin rencontre Buzzy, on nous désaccorde une guitare ce soir et on fredonne encore cette mélodie silencieuse. On peut te fabriquer un monde particulier, voudras-tu y habiter? En parlant de biter, voulez-vous débiter 5 piastres de ma rencontre? Elle occupe toujours la place malgré son absence. On y va. Aujourd'hui, le lundi 11 septembre 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon ami. On y va. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Dans ma chambre, il y a des armoires qui papotent à voix basse dans le noir. Des draps clairs où pousse la lavande, des éclairs par les nuits de septembre. Dans ma chambre, il y a une armure mystérieuse, médiévale qui murmure. Un ours blanc qui fait grizzly. De temps en temps, à des petites souris. Dans ma chambre, il y a des fantômes qui descendent parfois de leur royaume. Des trophées bien accrochés au mur, des belles têtes de chasseurs à ramure. Dans ma chambre, il y a Cendrillon, à minuit, à cheval sur son melon. My kingdom, for a horse, poursuivi par la fée Carabosse. Dans ma chambre, il y a le Père Noël, sur son grand traîneau avec des ailes. Ma grand-mère qui chasse le Père Fouettard, la bouffère avec son gros pétard. Dans ma chambre, il y a mes souvenirs, du temps où je voulais tant grandir. Les chevaux de bois, les rouleaux de réglisse, les dimanches après-midi tout triste. Dans ma chambre, il y a le réveil, qui dring dring seulement à mon oreille. La bonne odeur de café bien noir, le bruit de ton pas dans le couloir. Dans ma chambre, il y a le petit jour, de tes yeux qui pétillent mon amour. Dans ma chambre, il y a seulement deux enfants qui dorment ou font semblant. Dans ma chambre, il y a le petit jour, tes yeux qui pétillent mon amour. Et dans ma chambre, il y a seulement deux enfants qui dorment ou font semblant. Ta la la la la la la la, ta la la la la la la la la, la la la la la la la la, deux enfants qui dorment. c'était M. Henri Tachant. Madame, mademoiselle, Henri Tachant. Et je vous avais promis la semaine dernière un hommage à Jane Birkin. Hein, la semaine dernière. Et cette semaine, c'était qui? Henri Marchand. Pas Henri Marchand, Henri Tachant. C'est beau, hein? Ben oui, c'est entraînant. C'est un auteur, compositeur, interprète. Mais ce qui me plaît dans cet artiste-là, c'est comme un peu comme Brassens, comme beaucoup d'autres. Oui, c'est beau, hein? Mais il va le dire. Faites-vous-en pas, là. On a 2 heures pour s'exprimer, mais surtout une première heure. Après, c'est... Mais tu donnais mal de cou tantôt. J'ai mal au cou, madame. Pouvez-vous masser le cou? Non, j'ai le cou. Masser le cou. Après, ben, vous masserez ce que vous voudrez. Pardon. Aïe, moi, je sais pas si en lisant mes textes ou c'est ma mâchoire qui a dévié. Mais peu importe. En le rétachant, la mâchoire ne lui fait plus mal. Et c'est parce que c'est un auteur, compositeur, interprète très prolifique. Et son écriture est ciselée, brillante, ravageuse. Elle dépeint la société actuelle et elle met aussi en perspective tous les problèmes sociétals. C'est M. Henri Tachant. C'est un polémiste aussi, un polémiste. Un train de nuit, c'est déjà la province. Un train de nuit, c'est déjà Quimperlé. Les gens roupillent et les grosses roues grincent comme sous le vent un vieux coq de clocher. Y'a rien à boire, la nuit on ne boit pas. On dort fiston comme au village éteint. Ou dans des lits de chêne sous leurs draps, les hommes ronflent en rêvant de putain. Un train de nuit, c'est une chambre d'hôtel. Un train de nuit, c'est un air provisoire. Tu ne sais plus si dehors c'est la grêle, si c'est la pluie ou si c'est le brouillard. Y'a rien à dire, la nuit on ne dit rien. On dort fiston, et dans cette sale nuit y'a pas un chat, pas une femme, pas un chien, qu'un insomniaque qui gribouille à minuit. Un train de nuit, c'est la petite mort couchette, les arrêts cimetières, la campagne tombeau. Un train de nuit, c'est des paysages bêtes, des champs tout noirs où y'a même plus de corbeaux. Y'a rien à faire, la nuit on est inerte. Tu sais, fiston, c'est pareil que la vie, où l'on chemine le long de rues désertes, désertes comme les couloirs d'un train de nuit. Ce soir, sur la route silencieuse qui passe de l'autoroute 66 à Limoilou. Oui, ben, ça coupe, hein? Avez-vous des prix? Ouais, avez-vous des prix? Y a-t-il des prix à gagner? Ben non, c'est avez-vous pris la route? Oh, mon Dieu, les prix, on est pris. On est prêt avec toi jusqu'à quelle heure? 2 heures du matin. Oh, mon Dieu, c'est qui l'invité? Attends, chaque chose en son temps. L'invité, c'est à 1h du matin. Avant, ben, c'est Iran Sénadienne. Une émission en stéréo, oui, en réverbération et en simplicité intellectuelle. Plus simpliste que ça, là, ton enfant va t'apprendre des choses. Et puis ça, c'est merveilleux. Le mien a 23 ans, mon enfant. Elle s'appelle Amélie. Et je l'embrasse aujourd'hui parce que c'est son anniversaire, le 11, effectivement. septembre, bien sûr, ben, on est le 11 septembre. Et je l'embrasse et puis je vais l'amener au restaurant, mais pas lundi parce que j'haïs les lundis. Vendredi prochain. Vendredi prochain, dans les Amériques, tout on va manger. Elle aime pas la viande, mais je vais faire manger un steak. De force. Non, non, de force, elle me connaît. Sinon, si elle mange pas, elle paye. On mange sa portion. Ouais, ça, c'est ratoureux. Tu sais, quand tu connais tes enfants, moi, j'ai juste une fille, là. Mais si, quand tu connais ta fille, là, elle est vegan. Ah, mon Dieu, boss, c'est vegan. Nouvelle mode, vegan. Avoir su, je t'aurais pas... Non, je t'aurais appelé vegan. Vegan de blues, change pas ta blouse. Non, j'ai un grand respect là pour... mais là, c'est pas parce que t'en manges pas que personne n'en doit... Je sais qu'ils sont traumatisés, je le sais. Moi aussi, je suis traumatisé quand je me vois dans le miroir. Quand ma femme me reconnaît même plus le soir. Quand elle fait son tricot. Là, elle fait une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, elle est toute mêlée. Elle sait plus ses chiffres. Je dis, hey, tu commences un Alzheimer, toi. Elle dit, arrête, parle-moi pas d'Alzheimer. Parce que si tu me parles encore de ça, là, je me souviendrai même plus que je suis ta femme, puis m'a resté avec un autre homme, puis, hey, si tu veux rester avec un autre bonhomme, vas-y, la vie t'appartient. La vie t'appartient, mais ma voiture, c'est ma voiture. Ma maison, c'est ma maison. Mais moi, t'en acheter une, mais bon, il n'y a pas de problème. Moi, l'argent, là, j'en ai pas, mais t'en trouver. Ah, ouais, honnêtement, je fonctionne dans l'honnêteté. Regarde-moi les mains. Ai-je du sang sur les mains, madame, là? Regardez-moi, là, le bout du nez. Bon, est-il honnête? Bon, je sais qu'anciennement, on m'appelait Pinocchio. Puis après ça, Bombo, l'éléphant volant. Mais ça, c'est une... Ouais. Mais non, non, je suis une honnêteté, là. Quand on me dit comment ça va, puis ça va pas bien, prépare ta chaise, parce qu'on a... Mais aussi, aussi tu me prépares un petit sofa freudien. Parce que moi, je n'ai pas fini de te raconter pourquoi ça va pas, là. Ben oui, souvent, c'est parce que j'ai pas réussi ma mayonnaise. Puis c'est tellement simple! Tu sais, non, pas d'en acheter. Faut être vraiment un manche. Quoique j'ai un respect pour... Non, je recommence. Il faut vraiment avoir de la difficulté à frapper. À frapper, je veux dire, les aliments pour ne pas réussir une mayonnaise. Parce que à l'origine, la mayonnaise, c'est un accident. Quelqu'un avait échappé là, les ingrédients pour en faire, puis là, il, avec la fourchette, là, il a voulu tout enlever ça, mais ça a comme monté, tu sais, ça a fait une texture intéressante. Puis là, prends la fourchette, mets ça à sa bouche, hey, c'est bon ça. Puis elle avait un tic nerveux, elle disait tout le temps mayonnaise avant que ça existe, ce mot-là, parce que ça camouflait une autre vulgarité. Elle disait, c'est bon en mayonnaise. Mais là, c'est bien beau d'avoir la recette, mais les quantités, là, quand t'échappes, t'as pas calculé la quantité. Fait que là, elle a fait des essais. Elle a demandé à tous les enfants du coin de venir manger des chiens chauds. Puis, ah, mon doigt, elle a mal viré. Ah oui, elle-même est devenue chaude. Ah! Elle faisait sa propre bière, son propre vin, son propre porto, son propre cidre. Elle était plus trop propre, c'est juste elle qui buvait ça, personne, ça sentait déjà. Avec... On se dit, voyons, donc, il me semble que du cidre, là, ça a une odeur beaucoup plus sélective, hein, moins brute. Elle disait qu'on connaissait pas ça, on était des ignores, des imbéciles. Ben oui, on est des imbéciles. C'est pour ça qu'on se tient avec toi. Oh, le discours a changé, hein? Se traiter d'imbéciles. On fait toute partie de la même planète. On devrait s'embrasser. Dépendant de qui, là, c'est puis des bouches, là, ben beau les bouches d'égout, là, mais si tu sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'elle a mangé avant, après, pendant, ah, mon Dieu! Surtout la petite Lucie, là, elle s'est préparée la bouche très, très longtemps, là. Ah oui, elle est rendue ceinture noire de la mouche. Quand elle sourit, là, tu sais déjà ce qu'elle a mangé la veille, ce qu'elle va ravager après, ah, oh, c'est une vraie, ah! Elle butine! Tu sais, puis sa sœur, elle la connaît tellement bien qu'elle l'a appelée l'abeille. Elle va de fleur en fleur. Ah oui. Elle s'arrête sur les pistils. Elle les sent. Elle les regarde, elle les admire. Elle adore les pistils. Ah, on peut pas. Tu regardes ça, là, en focus. Moi, je fais de la photo, là. Oui, j'ai un Nikon que j'ai déjà dit, oui, Nikon Isumi. Et quand je focus, parce que dans la photo, si vous ne connaissez pas la photographie, là, les termes, vous ne connaisserez pas ça. Vous ne connaîtrez pas ça. Vous ne connaisserez pas ça, puis vous ne les saurez ça jamais. Si vous perdez la langue française, c'est pas mon problème. Moi, là, hein, allez dans les écoles, apprenez ça dans les langues secondes. Et puis, moi, mais j'ai deux langues secondes, moi. Le français puis le français québécois. Puis là, on m'a déjà crié à l'oreille, il n'y a pas de français québécois. Non, non, non, voyons donc, t'as jamais venu passer au Québec. On ne te demandera pas le laisser passer, comment t'appelles ça, cette affaire-là, là. Le liconini, la ninounou, ninani. Non, c'est la l'ETIAS, E-T-I-A-S, ça veut dire, je ne sais pas l'abréviation de quoi, là, mais si tu viens au Québec, on ne demandera pas ça, l'ETIAS. Psh, l'ETIAS. Si t'as un enfant, appelle-le l'ETIAS, tu vas voir. Il y a eu Julius Inglésias, il y a eu ETIAS. ETIAS Bergemont, ETIAS Bouffard, ETIAS Tremblay, ETIAS au ventre, ETIAS au tout, ETIAS tout le temps, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ETIAS, ETIAS, ETIAS de par deux, ETIAS, ETIAS, ETIAS de les deux. Après deux ans, il te jante ça, après trois ans, il te jante ça, à 14 ans, tu comprends rien, mais c'est pas grave, c'est ton ETIAS, ETIAS, ETIAS, ETIAS, ETIAS, ETIAS la classe, ETIAS le pont, ETIAS la vie, ETIAS, ETIAS, ETIAS, ETIAS, ETIAS, ETIAS, ETIAS sera pas tranquille avant que tu disent oui. À 16 ans, peux-tu avoir la voiture? Ben là, écoute bien, là, moi, je suis en scooter électrique, la voiture, j'en ai pas. Et tu commences, on n'a pas de voiture? Ben parce que ça m'intéresse pas, moi. Moi, je veux pas avoir de permis. OK? Je veux passer Mon nom est personne. Tu connais-tu le film Mon nom est personne? Non, tu connais pas ça. Toi, l'intérêt, là, si t'étais pas au monde, tu connais rien. Ben oui, ben je t'aime quand même, ben voyons donc, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein, puis le pire est jamais arrivé, ben non, veux-tu un steak? Il y a un beau steak bleu, non, c'est pas un steak comme elle vieillit, c'est la cuisson bleue, bleu c'est plus saignant que saignant, parce que dans la hiérarchie du steak que tu cuis, il y a le bleu, il y a le saignant, puis après ça on peut décliner, je sais même pas, hein, décliner. Hein, tu connaissais pas ça, ce mot décliner. Décliner votre nom, votre prénom. Quand tu es au. Moi, j'ai passé souvent aux douanes. Ah, Saint-Abardouche, ah ouais, donc, touché, comment ça va? Couche-moi pas, ah ouais, donc, on y va. On va te passer ça, tu me dis rien. Ah, non, mon permis, ben oui, j'en ai. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ah, des émissions de quoi? Ah, de la radio. Quelle sorte de radio? Ah, je le sais même pas moi-même. Quelle radio? Travaille pour quelle radio? Oh! Et là, c'est là que ma cassette arrive en jeu. Je travaille pour CKRL, le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde qui est née en février 1970. Puis là, le bonhomme, là, il veut que ça s'arrête là. Mais là, je commence à tout lui raconter. C'est nous qui avons amené à Paris les émissions comme Carbone 14. On vous a montré comment faire de la radio parce que c'est le douanier à Paris. Il a déjà entamé, lui, là, son deuxième verre. Là, parce que le petit déjeuner, c'est le petit blanc. Hein? Après ça, le déjeuner, parce que le déjeuner, c'est le dîner pour nous autres. Et, hein, c'est déjà le petit rouge. Puis après ça, c'est le petit rosé. Puis à la fin, on autorise tout le monde. Ping, ping, ping, ping. Il oublie, puis il oublie que t'as oblitéré, puis qu'il a fait rentrer trop de monde, qu'il n'avait même pas de permis, puis qu'il arrivait de même, là, à pied. Quand c'est rendu que t'arrives à Paris à pied, t'arrives de nulle part, là, hein? C'est quoi le roman de Bukowski, non? Non, c'est pas un roman, c'est des nouvelles. C'est au milieu de nulle part. Quand t'arrives au milieu de nulle part, c'est le titre de la nouvelle. Je vous conseille fortement. Si vous n'aimez pas lire, là, c'est à peu près 5-6 pages. Là. C'est des petits romans, mais de 5-6 pages. Puis si t'as la difficulté à lire, là, trouve-toi une copine là, qui va te lire ça. Là. Oh, une voix féminine pour lire du Bukowski. Là, c'est... là, t'es dans vraiment, là, t'es en limousine, puis tu vas vouloir la marier, pas Bukowski, parce que c'est un gars. Quoique, si tu veux marier un gars, t'as le droit de marier qui tu veux. Si t'as 18 ans et plus, si t'es majeur, puis si t'as le majeur bien dressé pour dire « oui, je le veux », t'as le droit de faire ce que tu veux de ta vie. Y a personne qui peut, c'est toi le maître de ta vie. Puis s'il y en a qui bloquent là-dessus, ben c'est leur problème, parce que toi, t'en as pas. Là, tu viens quoi? Je viens de parler de la femme à Bukowski. Qui s'appelle? Mais Madame Bukowski. Oui, mais son nom? Bukowski. Oui, mais son prénom? Adrienne. Oh, pas Adrienne. Adrienne Bukowski, j'ai jamais entendu ça. C'est pas l'étudiante là qui a frappé à sa porte, puis qui a vu toutes ses œuvres et puis qui voulait trouver une maison d'édition? Ça s'appelait pas ça. Tu te trompes d'histoire, toi, là, là. Je crois bien, là, que t'es un charlatan. Tu sais qu'est-ce que ça vaut, un charlatan? Ça vaut tout l'amour du monde entier. Parce que si tu peux faire passer n'importe quoi devant toutes les oreilles, n'importe quelles oreilles, t'es déjà un orateur. Puis si t'es un orateur, tu vas vendre n'importe quoi. Puis si tu vends n'importe quoi, ben, va-t'en en politique. Je veux avoir le temps d'apprivoiser les mouches. Je veux l'éternité pour apprendre ta bouche. Je veux voir les saisons minute par minute, brindille par brindille tout le bois de ma hutte. Je veux chaque seconde connaître une habitude, comme un chien familier, comme la solitude. Je veux me coucher là et n'être pas rentable. Je veux vivre la vie d'une pierre, d'une table. Sans suspense, sans destin, sans crainte, sans dénouement. Je veux avoir le temps de perdre tout mon temps. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Je veux que tu sois belle et que tu brûles ailleurs, comme une bête en feu, sans que j'aie ni douleur, ni jalousie, ni haine, ni fierté pour rien. Je ne veux plus, famille, votre orgueil sicilien. Je veux avoir le temps de simplifier nos corps. Cette fille qui passe, il me la faut encore. Cet étranger te plaît, mais c'est épidermique. Je veux avoir le temps de comprendre cette musique. Je veux avoir le temps de ne plus avoir mal. Je veux avoir le temps d'être enfin animal. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Je veux des barricades qui servent à quelque chose, que près des immortels, elles vivent les roses. Je veux que les enfants ne soient plus des victimes, qu'on raye des dictionnaires, bombarde, tue, assassine. Je veux que la raison n'ait plus droit de citer, qu'intelligents malins deviennent inusités. Je veux avoir le temps de faire 20 ans de tôle, 100 ans de poésie, 1000 ans sur ton épaule. Je veux avoir le temps de n'être ni vieux ni sage. Je veux avoir le temps d'être l'idiot du village. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Monsieur Henri Tachan. On a posté une autre d'Henri. Henri! Attends, m'envoie une main. Je sais qu'il est décédé, mais moi, là, j'ai accès à tout le monde. Je suis ouvert sur tous les esprits vivants, morts, puis dites-moi, je vais vous dire une chose, c'est que je trouve sincèrement que ceux qui ne sont plus ici, de notre côté, sont beaucoup plus présents que les personnes qui se trouvent devant moi, dans la vie actuelle, dans la vie active, hein, ou même que active. Mais c'est imbécile de dire la vie active, hein? Oui, parce qu'on dit que les retraités ne sont plus dans la vie active. C'est quoi cette imbécilité-là? Les retraités sont plus dans la vie active. J'aimerais juste savoir la personne qui a lancé ça la première fois. C'est certain que c'est pas Churchill. C'est pas certain. C'est certain que c'est pas Churchill. C'est certain que c'est pas des penseurs humanistes. C'est sans doute les mêmes là, qui ont amené cette idée-là là, de la belle argent. De la belle argent. Depuis quand c'est beau l'argent? Dis-moi qu'est-ce que tu trouves beau dans l'argent? À part une seule affaire, puis qui n'est pas beau du tout, selon moi. Là, je suis en train de trouver le mot. Je cherche le mot. Ouais. Ah, c'est la superficialité. La superficialité. Raymond, veux-tu mettre... Ouais, pas le déconneur, le décodeur. Il veut dire superficialité. OK, on va lui laisser aller. Ouais, la superficialité. Eh, mon Dieu, il en fait, j'attends un peu, là. Prends ça plus lentement. C'est comme une courbe, là, en scooter, là. Tu ralentis un petit peu, par ça, tu prends ta courbe. Mais moi, je mets toujours mon pied. Pourquoi? Parce que moi, sur un scooter électrique, si vous ne le saviez pas, c'est qu'on est obligé d'avoir un pédalier, comme un vélo. Mais si le pédalier est mal penché, puis que toi, tu tournes en même temps, ça touche le sol. En touchant le sol, le scooter peut glisser. Donc, je mets le pied, même si on dit là, sur des trucs Internet, comment rouler en scooter, on nous mentionne, ne mettez pas le pied, mais ça peut me retenir, puis me donner un coup pour remonter le scooter si je sens que ça glisse. Mais ça, c'est du professionnalisme. Là. Vous parlez à moi-même. Oui, c'est qui moi-même? Ben, selon mon numéro d'assurance sociale ou mon passeport, c'est que je suis un Québécois errant, moi, qui n'aime pas la superficialité. C'est tabarnouche, je veux pas la dire. Elle veut pas la dire. Elle veut pas me rentrer dans la bouche. j'ai pas oublié de mettre. Non, j'ai mis de la colle, madame, avant l'émission pour tenir la prothèse dentaire amovible. Qui se désarticule comme je veux. La superficialité. Il faudrait que je le lise. Écris-le, puis tu vas le dire, OK? C'est comme une lecture, là. OK, on va enlever ça ici. Superficialité. Bon. Superficialité. Superficialité. Superficialité. Bon. Alors, les gens qui disent la belle argent embrassent la superficialité. Quelque chose qui me répugne au plus haut point. Quand je te dis répugnance, là, je préfère manger ma sauce à spaghetti que j'ai gâchée le 11 septembre d'il y a quelques années que d'adhérer ou d'embrasser cette vision-là de la belle argent. Parce que cette belle argent-là, de un, gâche des vies, de deux, n'amène pas la liberté. La liberté, là, moins t'en as, plus t'es libre. C'est vrai. Moins t'as d'articles dans ta maison, quand tu peux prendre un sac à dos et dire « Je m'en vais, wow, wow, bye bye, je m'en vais. » C'est quelque chose de plus fort que des riches qui ont des millions et qui ne peuvent pas s'en aller de même. Là, ben là hein, j'ai mes trois bateaux, j'ai mon avion, mon hélicoptère que j'ai prêté à Rénal pour son émission Errance Rénaldienne parce qu'il n'a pas pu. Mais il ne croyait pas. Non, il a pu parce que grâce à moi, il ne croyait pas se rendre à l'heure parce qu'il y a eu des problèmes techniques dans sa vie. Oui, la douche ne fonctionnait pas. Il veut toujours se laver avant. Parce que pour lui, c'est la pureté de l'âme, la pureté de l'être, la pureté, en tout cas, c'est sa vision de l'être. Là, je n'ai pas à rouspéter ou à n'en dire davantage. Si vous voulez en savoir plus, demandez-lui. Alors, je lui ai prêté mon hélicoptère. Mais avant, Michael Douglas voulait faire un petit tour de la ville de Los Angeles. Puis il m'a demandé, « Hey, mon Burton! » Parce que je m'appelle Burton. Burton Bravo. Un Québécois de pure race, là, mais j'ai changé mon nom pour avoir l'air United States. Comprends-tu la patente? United States. As-tu l'air de United States, oui? Ben oui, quand j'ouvre les yeux, il y a des étoiles dans mes yeux. Oui. Puis quand je regarde, là, j'ai des étoiles aussi dans mon cœur. Bon. Puis quand je regarde les États-Unis d'Amérique, là, je suis tout content. Wow, un autre imbécile. Il a braffé. Tu dois le voter? Oui, je dois le voter, moi. Aux États-Unis, puis au Québec. Au Québec? T'as ton passeport québécois? Non, ça n'existe pas. Qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai mon passeport canadien. Ah, oh, ton beau passeport canadien. Qu'est-ce que tu fais avec ton sport? Ton sport? Ton passeport canadien? Je le mets dans ma poche. Laquelle? C'est une colle. Non. Quel côté? Dans le milieu. T'as une poche dans le milieu de tes pantalons? Non. Mais pourquoi c'est pas droite-gauche? Mais pour toi, c'est la poche du milieu. Pourquoi moi? J'ai fait aucun jeans, moi, dans ma vie. Aucun vêtement, aucun pantalon qui stipule que j'ai placé une poche dans le milieu du pantalon. Non, mais c'est parce que je sais que tu vas répondre là-dessus. Si je dis à droite, tu vas dire quelque chose. Si je dis à gauche, tu vas dire quelque chose. Ouais, mais si tu dis dans le milieu, je dis encore des affaires. Ouais, c'est vrai. T'es bizarre, toi! Ouais, merci, mais ça fait des excellentes émissions. Toi, la petite fille, boulevard des Italiens. Toi, la fillette sage, dont je ne saurais rien. Qu'un bout de robe bleue, que de grands yeux ouverts, avec comme un soleil sur chaque paupière. Toi, la douce étrangère de mes rêves d'enfance, mon Elsa, ma Lucille, d'impossibles vacances. Toi qui fais de mon cœur le tambour d'autrefois, quand d'une reine morte, je voulais être roi. Je t'aime, je t'aime. Toi mon retour aux sources, toi mon mât de cocagne, toi ma dernière chance, mon château en Espagne. Toi pour qui sur ma tour, malgré le sablier, je hisserai encore mes blouses d'écolier. Toi qui n'as pas de corps, de sexe, ni de grain de beauté, nulle part de phare ni fond de teint. Toi qui marches en riant comme antique kermesse, entre mes foires d'empoigne et mes fausses princesses. Je t'aime, je t'aime. Toi déjà disparu, toi déjà englouti, au coin noir d'une rue, au métro de minuit. Toi déjà si petite, boulevard des Italiens. Toi déjà déconstruite sans que j'y puisse rien. Toi la petite fille du pays de nulle part, au détour du chemin pour le grand redépart, en attendant la gare où notre train s'arrête. Dans un mois, dans 1000 ans, qu'importe, moi je guette. Et je t'aime, je t'aime. On dirait que c'est un début de musique baroque avec les clavecins. Parce que si vous avez entendu, c'est du clavecin. Je connais ça, le clavecin. Là. Mais je connais plus, quand j'ai travaillé à un musée à Beauport, le musée d'art et d'histoire à Beauport, parce que j'ai, oui, 600 Avenue Royale, ça existe encore. Oui. Et puis, il y avait, c'est pas un clavecin. C'est un... Ah, mon Dieu, c'est pas l'orgue non plus. L'orgue de Barbarie? Non, pas du tout. En tout cas, peu importe. Comment ça va, vous autres? Tu commences ça presque à la fin de la première heure. Non, il n'y a pas de première heure. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Il n'y a que la continuité. Hey, peux-tu prendre ça en note? C'est tellement beau ce que tu dis des fois. Pas souvent, mais des fois. Ben, des fois, là, j'aimerais bien capter toutes les... Oui, c'était raffiné. Raffiné, comme le sucre. Raffiné. Comme l'essence. Raffiné. Quoi, mais raffiné comme... Comme toi, t'es... Bon, je suis, donc, tu laves. Je suis donc tu laves. Ben oui, j'essuie, essuyé, toi tu laves. Non, je préfère laver pour toi essuyer parce que moi, je sais pas, j'haïs ça. Le lave-vaisselle, non merci. Pour plusieurs raisons. Bien sûr, la raison que la planète est en train de s'effondrer. Peu importe si je t'aime, je me fous de monde entier. Ah, que l'amour inondera mes matins. Ah, que le temps inondera mes... Hein, pardon? Oui. Oui, j'ai une petite citation Oh, c'est du morse. Hey, savez-vous que le morse n'existe plus? C'est très triste. Fait qu'il reste juste le fuck. Le morse fuck. Fuck le morse. Morse le fuck. Fuck. Hey, mon Dieu Seigneur. Tu deviens une bébite? Oui, une bébite étrange venue d'ailleurs. Mais surtout... Oui, allô? Oui, il y a eu une absence prolongée. C'est vous. Non, n'appelez pas l'ambulance. Non, c'est tout à fait. Non, il a figé là. Ça y arrive de figer. Quand il fige, il défige pas. Fait que nous, on le prend. Puis on le place dans son genre de cercueil parce que ça fait longtemps qu'il dort pas dans un. Non, lui, le lit ne lui convient plus. C'est un sarcophage. Oui, et. Il y a des employés qui travaillent à 00h30 et 2h30 du matin. On va vérifier si monsieur est prêt à dormir dans son sarcophage parce qu'on referme après. Puis, il y a surtout celui qui... Celui n'est plus là. Non, parce qu'il n'était pas capable. C'est un grand sensible. C'est bien. Ça va faire un poète. Mais non, mais je n'ai rien contre les poètes. Moi, la sensibilité est pour tous les artistes. Et je leur demande aussi de ne pas vivre la vie de tout le monde pour décrire leur vision de l'existence. S'il vous plaît, Jean Leloup, commence pas à travailler du lundi au vendredi de 8 à 17. Avec une heure de lunch, parce que tes chansons risquent de pas trop nous intéresser. Mais fais comme tu as eu cette idée depuis le début. Lance-toi dans cette belle errance créative qui donne en toi cette puissance intellectuelle et cette puissance... puissance intellectuelle, non, mais cette puissance créatrice et ce génie qui n'en démarre pas. Ouais, mais il a essayé de lâcher le mollet, lui-là. Qu'est-ce que tu dis? Démarrer. Non, démarre pas. Hein? Quand on mord, c'est pas juste dans le mollet, là. Mais moi, mon petit pitou, quand il mord, là, il n'y a pas la bouche. Non, je sais, c'est une gueule, mais moi, je préfère dire une bouche. Une gueule, là, c'est quand tu n'es pas capable de prendre du ustensile pour manger. Une gueule, c'est quand ça va chercher l'aliment avec les dents. C'est ça la différence entre une bouche et une gueule. C'est pas plus compliqué que ça. Puis un bec, ça, c'est une autre histoire, un bec. Parce que là, je dirais pas non plus le corbeau et la fourmi. Tu connais pas celle-là? Tant mieux, ça n'existe pas, la corbeau et le fourmi. Qui t'a fait croire que le corbeau... Je suis le seul à raconter aux enfants des fausses fables. Parce que j'aime ça inventer. Je prends ce qui existe déjà, mais je le malaxe, comme disait Alain Bachung. Malaxe. À ma façon. À ma manière. Comme dit la chanson. Puis ça, ici, il n'y a pas de référence. C'est comment ça, malaxe à la Bachung, puis à ma façon de... Ah, mon Dieu, mais c'est ça. Plus tu as de connaissances, plus tu vibres en même temps que la personne qui parle. Moins tu en as, puis tu es... Ça, c'est le manque d'intelligence. Hein? Puis un spasme intellectuel qui n'arrive plus à se motiver lui-même. même chose que lui, là. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé une foie de morue. Et puis avec une sauce à l'asperge, bien assaisonnée de criquettes, oui, aux arachides. Et surtout, ce qu'il adore par-dessus tout, c'est des andouillettes. Deux andouillettes bien fraîches et bien lavées. Fraîche lavée, va manger du fraîche lavée. Non, c'est pas un mets, le fraîche lavée. C'est l'andouillette qui est fraîche lavée. C'est difficile de vivre, hein? Mais oui, c'est pour certains. Mais moi, je vous conseille simplement de manger votre poutine. Ah, une poutine, hein? C'est bon, une poutine, hein? D'accord. Alors quelle sauce? La sauce à poutine. Oui, mais quelle flagrance? Des patates? Non, mais la flagrance de la sauce. Du fromage? Non. OK. Mais n'importe quelle sauce? Sauce à poutine. Oui, mais je sais, mais il y a de la force, la sauce à poutine, là. Hein? Est-ce que c'est pimenté, poivré ou simplement original? Traditionnel. Bon, il n'y en a pas de traditionnel. Ça dépend de quel endroit vous le... Bon. Je vous conseille simplement une bonne patate frite. Une patate, j'ai faim, moi. Pouvez-vous m'en faire sortir au moins de 50? Oui, mais c'est en fait, c'est l'enveloppe de patates, là. On vous offre ça dans un bol. Alors, un bon bol de patates. Oui, mais frites, ben, c'est certain, je vous l'ai dit tout à l'heure, là. Avec de la sauce. Oui. De la sauce à? De la sauce à poutine. Oui, traditionnelle. Comme on mange au Québec, là. OK, d'accord. Et puis, le fromage? Ah, ben, moi, je le prendrai en grains. Les petits grains, mais quelques gros grains, parce que les gros grains, ils font moins. Fait que à l'intérieur, c'est plus tendre. Tandis que c'est des petits grains, ça, c'est mou, hein? OK, d'accord. Alors, on vous livre ça, mais on va commencer à manger sur place. Tu marches au pas d'un autre monde, tu marches ton vieil homme de chemin, tu boucles ta dernière ronde, la vie t'a posé un lapin. Mais ta jument sera fidèle, et ça, c'est important, et ça, c'est important. Les femmes t'ont joué la vieille guerre de passion et de duperie. Tes amours ratés de naguère rôdent encore dans ton lit. Mais ta jument sera fidèle. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Tu as partagé la piquette et le pain pis de l'amitié. Eux sont sortis des oubliettes, mais toi, ils t'y ont oublié. Mais ta jument sera fidèle, et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Tu t'es battu pour trois pétales de justice et de liberté. Tes fleurs se fanent, le monde parle, parle, parle encore de tuer. Mais ta jument sera fidèle, et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Tu marches au pas d'un autre monde, tu marches ton vieil homme de chemin, tu boucles ta dernière ronde, mais tu ne seras pas seul en chemin. Ta jument sera fidèle, et ça, c'est important, et ça, c'est important. Alors, comme j'ai trop fait d'impro, j'ai pas assez de temps pour les chansons de mon ami Henri. Henri qui? Henri Dess, regarde-moi l'autre, Henri Dess. Non, Henri? Henri Tachant. Mais donc, je propose immédiatement une autre chanson de mon ami. Ensemble, 1, 2, 3, Henri Tachant. Quelque part à Paris, au métro de minuit, deux amants s'embrassent. Quelque part à Paris, devant un boui-boui, deux amants s'enlacent. Mais les gens de Paris leur jettent contre des regards fugaces. Sans voir ce samedi d'été à Paris, l'amour aux terrasses. Quelque part à Paris, sur les Tuileries, la grande ours danse. Dans le ciel de Paris, comme des bougies, les étoiles tremblent. Mais les gens de Paris marchent rabougris sous les lampadaires. Sans voir ce samedi, sur leur front pâli, ce bal de lumière. Quelque part à Paris, derrière un taudis, pleure un limonaire. Quelque part à Paris, un pauvre génie joue en solitaire. Mais les gens de Paris préfèrent la musique avec partenaire. Sans ouïr ce samedi, cette symphonie à travers les pierres. Quelque part à Paris, quand les chats sont gris, les fantômes sortent. Quelque part à Paris, il reste transi sur le pas des portes. Car les gens de Paris, au fond de leur lit, comme des natures mortes, crèvent petit à petit en ce samedi d'été à Paris. J'attends Noël, les chandelles, le petit Jésus qui ne vient pas. J'attends la cloche d'une pension moche, maman qui me délivrera. J'attends dimanche, sa robe blanche, j'attends le coussin de ses bras. Et gare du Nord, j'attends la mort ce lundi matin dans le froid. Salle d'attente, salle d'attente, la vie est une salle d'attente. J'attends des heures une petite sœur pour chauffer mon cœur déjà froid. À la fontaine, j'attends Hélène qui est bien trop grande pour moi. J'attends Godot, j'attends Mauroy, j'attends rue Godot de Mauroy. J'attends le tirage du loto, j'attends un petit bonhomme de roi. Salle d'attente, salle d'attente, la vie est une salle d'attente. J'attends une perme à la caserne et ma balade du soldat. J'attends sans trêve que se lèvent des orages désirés de joie. J'attends des bulles, une libellule et c'est une bulle sur son pavois. et sur ma page, j'attends l'image, le vers, la rime qui ne vient pas. Salle d'attente, salle d'attente, la vie est une salle d'attente. J'attends avril, le soleil frileux dans le ciel, le retour d'espoir. J'attends ma douce que les voix poussent vers nous leur gazouille de joie. J'attends que vienne ma soixantaine se réchauffer entre vous trois. J'attends le jour traîneau d'amour où mes enfants diront papa. Salle d'attente, leur vie sera une salle d'attente. Salle d'attente, leur vie sera une salle d'attente. Ceux qui naviguent entre deux classes, entre deux points, entre deux places. Ceux qui n'ont ni vin ni zéro, ni punition ni bravo. Ceux qui tout au long des écoles gardent leur livret blanc comme leur col. Ceux qui routinent clopin clopin, de bac en banc. Ceux-là, ceux-là, tous les professeurs les comprennent. Les 10 de quoi? Tous les 10 de moyenne. Ceux-là, ceux-là, tout le monde les aime bien. Les 10 de quoi? Tous les bons 10 sur 20. Ceux qui naviguent entre deux airs, entre deux marches militaires. Ceux qui vont de fixe en repos et de corvée de chiottes en drapeau. Tous ceux qui moutonnent en rang, qui ont la cocarde entre les dents. Qui feront même pas des têtes brûlées, même pas des tueurs, même pas des tués. Ceux-là, ceux-là, tous les généraux les comprennent. Les 10 de quoi? Tous les 10 de moyenne. Ceux-là, ceux-là, tout le monde les aime bien. Les 10 de quoi? Tous les bons 10 sur 20. Ceux qui naviguent entre deux eaux, entre deux cœurs, entre deux dos. Ceux qui à la tendre myrtille préfèrent la fleur de camomille. Et qui plus tard, une fois par mois, s'envoient en l'air, requin qu'empois. Ceux qui ne feront jamais de conneries, qui n'auront jamais de génie. Ceux-là, ceux-là, toutes les belles familles les comprennent. Les 10 de quoi? Tous les 10 de moyenne. Ceux-là, ceux-là, tout le monde les aime bien. Les 10 de quoi? Tous les bons 10 sur 20. Ceux qui naviguent entre deux pierres, entre deux croix, entre deux suaires. Ceux qui font le tiercé divin, qui jouent le bon Dieu à deux contre un. Tous ceux-là qui à leur dernière se font crucifier le derrière. De long en large, de haut en bas, au nom de la trouille, de l'au-delà. Ceux-là, ceux-là, toutes les églises les comprennent. Les 10 de quoi? Tous les 10 de moyenne. Ceux-là, ceux-là, tout le monde les aime bien. Les 10 de quoi? Maintenant, préparez-vous à rencontrer Paul Pechnard, auteur, compositeur, interprète, mon ami Paul Pechnard. À chaque année, je le rencontre. Il est depuis quelque temps le premier invité à mes errances rénaldiennes parisiennes. Alors, à toi l'artiste, mon ami Paul Pechnard. J'ai noyé tous mes mots en vidant tous les verres, déchiré sans un mot tous les vers de mes poèmes. J'ai sifflé les bouteilles remplies de vin amer. J'ai laissé pousser les raisins de ma colère. J'ai bu le verre de trop, je me suis jeté à l'eau. J'ai dit adieu à mes mots, me suis trompé jusqu'aux os. J'ai trop claqué du bec, trop souvent dormi par terre, avec le clair de lune comme compagnon d'aventure. J'ai rendu les armes, j'ai versé une larme sur le temps qui se presse, sans laisser l'adresse. J'ai couru après la gloire, pour aligner mes planètes. On ne change pas de trajectoire quand on n'est qu'une comète. J'ai mordu la poussière, j'ai appris à me taire, j'ai appris à me battre, à ne plus me laisser faire. J'ai trop claqué du bec, trop souvent dormi par terre, avec le clair de lune comme compagnon d'infortune. Du bec, trop souvent dormi par terre, avec le clair de lune comme compagnon d'infortune. Je t'ai déclaré la guerre, j'ai fait des tas de fêtes, tapé dans la grosse caisse, chanté à tue-tête. Pour trouver tous les gens que tu interviews, tu fais comment? Tu vas sur internet et tu regardes? Je suis sur Facebook. Ouais. Facebook. Monsieur, vous avez choisi? Ah ouais. Alors qu'est-ce que tu veux? Toi, vas-y. Bon, moi, je vais vous prendre un croissant et un café allongé, s'il vous plaît. Oui. Moi, un croissant et un jus d'orange. D'accord. Pas de café? Non, merci. Sinon, ça m'empêche de dormir, même après 10 heures. Ouais. Ah oui, moi, le café. Je suis un gars assez nerveux, donc quand je prends du café, ça m'aide pas. Il faut vraiment que ça soit pas très long, là. Je te dis, il est tellement là avant de se passer. Ouais. Mais une fois que ça... Voilà. Hey, Paul, t'es mon premier invité. Paul Pechenard, premier invité. Oui, bonjour. Ben, merci de m'être... Ouais. De un, t'es venu me chercher à l'aéroport, c'est très gentil, on va le dire. Je te remercie. C'est un plaisir. Puis en plus, voilà. Il y a eu un retard d'avion. Ouais. Mais t'es un gars patient. Ouais, ouais, ben comme ça, ça m'a permis de réfléchir. De roupiller surtout. Ah non, on va dire de roupiller. Et de dormir en fait. Ouais, c'est ça, oui, un peu. Ouais. Sinon, tu as beaucoup de projets. On parlait de ça en voiture. Tu prépares ton 7e album. Voilà, donc là, les projets, c'est 3 projets. Finir le 7e album où il n'y a plus que le mixage pratiquement à faire. Donc là, c'est presque fini. On a même fait les photos pour la pochette, donc pour faire la pochette, etc. Puis après, voir comment on va le sortir. Mais là, tu as 27 actuellement. Là. Voilà, ça va être le 7e. Pour l'instant, j'en ai 6 qui sont sortis. Et puis, en fait, on a enregistré beaucoup de chansons. Et donc, quand le 7e sera fini, j'aurai en réalité la moitié du 8e qui sera déjà enregistré, fini, mixé. Et j'ai commencé à écrire des chansons qu'on va enregistrer cet été pour l'album suivant, donc le 8e. Voilà, donc ça, c'est mes 2 projets musiques. Et puis, il y a un autre projet qui est un petit peu à cheval entre la musique et puis autre chose qui pourrait ressembler à du... théâtre, je sais pas. Bon appétit. Merci. C'est faire un spectacle musical dans lequel j'ai une dizaine de chansons que je vais utiliser parmi mon répertoire. Là, j'ai une centaine de chansons, donc je vais en prendre une dizaine. Et faire raconter un petit peu des choses entre les chansons. Mais des choses qui sont différentes de ce qu'on dit habituellement quand on fait des spectacles de chansons. Voilà, donc avoir un personnage, avoir un texte écrit, pas d'improvisation. Un texte écrit ou disons des idées qui sont prévues à l'avance et le texte il sera plus ou moins écrit. C'est un peu comme des choses que tu peux arriver à faire quelquefois sur scène. Ou entre les chansons, je raconte des trucs pour s'amuser, un peu aussi pour présenter les chansons, présenter d'autres facettes de ce que je fais, de mon univers, on va dire, mais qui ne rentrent pas forcément dans les chansons. Mais comme j'avais écrit un bouquin il y a un certain temps, donc c'était différent, mais finalement c'est quand même aussi une part de moi-même, c'est une autre façon de s'exprimer. Mais à quel moment ça t'est venu cette idée-là? Ça fait pas mal de temps que j'ai ça en tête, mais d'une manière très très diffuse. Et puis là, en parlant avec les uns et les autres, finalement, c'est un projet qui suscite un peu d'intérêt, d'entraînement. Et donc, la réalité, c'est que depuis 2 jours, j'ai une date pour faire ce spectacle. Donc ça va être le 21 mai au Cénobar. Mais il n'y a rien de préparé. J'ai des idées, j'ai des trucs que j'ai écrits, mais on va dire que je suis au stade du début. Mais début. Je vois que le Cénobar est quand même un endroit où on peut expérimenter. Parce que j'ai une amie, malheureusement, dont j'oublie le nom, elle a lancé son concept musical avec son nouvel album, un peu comme tu veux faire. Je ne me souviens plus de son nom. C'est pas Camille? Oui, Camille Fest. Oui. Voilà. Camille Fest. Oui, ben je la connais très bien, ouais, et on s'entend très bien. Moi, je l'ai rencontrée une fois. Ouais. Elle est très, très bien. Et là, elle a travaillé sur quelque chose de plus personnel, même de très personnel. Voilà. Et bien, c'est, je dirais que... Tu l'as vu, le spectacle? Oui, alors moi, j'ai vu son spectacle une fois. Et une autre fois, je suis arrivé, j'ai vu juste la fin parce que je ne pouvais pas être avant. Là, elle va le refaire, donc je vais aller le revoir. Toujours au Cénobar. Voilà, au Cénobar. Je pense qu'elle le jouera ailleurs aussi. Et elle va m'aider aussi pour mon spectacle. Et c'est un peu le même genre d'idée. C'est-à-dire qu'il y a les chansons qui font un contenu musical, mais il y a une trame de spectacle, de récit, qui est différente de ce qu'on trouve dans les chansons. Est-ce que c'est grâce à elle que tu as eu cette idée-là ou tu l'avais avant? Non, l'idée, de manière générale, je l'avais depuis longtemps. Mais ça s'est concrétisé avec elle et avec Arthur. Je ne sais pas si tu connais Arthur. Arthur. Il fait aussi un spectacle un peu du même format. C'est-à-dire il y a une douzaine de chansons et le reste, il raconte un truc. Et c'est vachement bien aussi son spectacle. Les deux, alors, le spectacle est vraiment génial. Et lui aussi va m'aider pour faire mon... On peut dire que Camille Fest, la mise en scène est signée Pauline Paris. Tout à fait. Donc elles ont travaillé ensemble. Ouais. Et voilà. Ça a très bien fonctionné, elle a eu des critiques super intéressantes sur son site. J'ai vu ça récemment avant de... Mais c'est très très bien. Hein. Oh, c'est vraiment... Il paraît que c'est très émotif. Ouais, très très bien, très réussi. Ouais. Mais... En fait, cet endroit-là, c'est un peu le tremplin pour ce genre de spectacle-là aussi. Oui, parce que la personne qui tient le bar, qui s'appelle Christelle... Aucun rêve prémonitoire n'aurait pu me faire savoir comment les choses allaient tourner en cette fin de journée. Aucun signe avant-coureur, j'avais la tête ailleurs. Je me suis dit pourquoi pas, c'est aussi simple que ça. Une rue mal éclairée, des bars de tous les côtés. Je suis entré dans le premier où j'entendais quelqu'un chanter. Je suis une femme mal barrée dans un bar mal famé. C'est tout ce que tu savais dire, qu'à caché derrière ton grand sourire. C'est fou les effets de l'alcool, ça remplace bien des paroles. Même sans doubler les doses, on s'est compris à demi-mot. Depuis les rues mal éclairées, me semblent des endroits à rêver pour aller tendre l'oreille. Quand je ne trouve pas le sommeil, je cherche quelqu'un qui chante dans l'ombre sans doute. Ces mots qui te ressemblent sans l'ombre d'un doute. Je suis une femme mal barrée dans un bar mal famé, mais moi je t'entendais dire, caché derrière ton grand sourire. Aime-moi comme si j'étais ta première fois. Aime-moi comme si c'était la dernière fois. Certains ont construit des Taj Mahal, beaucoup se sont donné du mal. Je n'ai eu besoin que de t'écouter, de laisser la magie opérer. On s'est lu entre les lignes, sans même se faire un signe. Je t'ai regardé danser toute la nuit, je te verrai danser toute ma vie. Aime-moi comme si j'étais ta première fois. Aime-moi comme si c'était la dernière fois. Aime-moi comme si j'étais ta première fois. Aime-moi comme si c'était la dernière fois. Elle aime bien justement tout le côté un peu théâtre, cabaret, one man show, seul en scène, et la musique aussi. Donc elle organise des formules, tout ça fonctionne ensemble avec les gens qui sont adaptés. Donc c'est un bel endroit pour ça. Pourtant, c'est d'autres choses aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est même aussi le tremplin pour des nouveaux artistes, hein, des nouveaux noms. Et, il y a beaucoup de gens qui jouent là-bas. Et donc, c'est un endroit qui est intéressant parce que tu peux y aller presque n'importe quand. Et tu as toujours des trucs bien. Oui, oui. Ah oui. Et des formules différentes, et des gens différents, et des gens qui participent d'une façon ou d'une autre façon. Vraiment, c'est bien. Pourtant, elle cherche à toujours des choses nouvelles. Oui, puis elle est très curieuse aussi. Elle n'est pas. Elle a l'esprit ouvert. Et tu l'as rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée avec Pauline. Ah ben oui, c'est vrai, je m'en souviens, il y avait des photos. Et le lendemain, elle m'apprenait qu'elle avait attrapé la COVID, Pauline, puis elle m'avait averti de faire attention, de vérifier si moi aussi je l'avais attrapé. Et alors? Non. Non. Mais je l'ai eu trois fois, donc je laisse aux autres. Quatre fois vacciné, puis trois fois la COVID. Donc, mais t'es un champion de. Oui, moi j'attrape tout, hein, quand on me donne, j'attrape. Le septième album, est-ce que c'est en continuité avec les six autres? Toujours l'enfance, toujours. Oui, c'est un peu les mêmes. Les mêmes un thèmes. Peu les mêmes thèmes. Moi je dirais qu'au fur et à mesure du temps, c'est toujours la même équipe, sauf que là maintenant on est quatre dans le groupe. Avant on était trois avec Paul qui faisait la batterie et des guitares, et puis Esteban qui faisait la basse. Et maintenant c'est Théo qui fait la batterie, et Paul fait surtout des guitares en fait. Et puis les arrangements, je pense que à chaque fois on progresse beaucoup sur les arrangements, sur le son, sur la façon de présenter le truc. Et donc cet album va être un peu plus diversifié que ceux d'avant. Okay. Voilà, les morceaux sont un peu différents les uns des autres. Alors c'est la même personne qui écrit, c'est moi, quoi. Donc il y a un air de famille avec les autres. Il y a les thèmes. Mais voilà, il y a des thèmes qui reviennent parce que ben, je fais comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne changera jamais. Hein. Mais je pense que cet album, il sera différent des autres par le fait qu'il est plus divers et plus riche, plus dense. Ah, tu trouves un titre? Pour l'instant, j'ai une idée, mais je tu vas attendre. Je suis pas sûr. Ouais. Okay. C'est assez curieux parce qu'en général, j'ai l'idée du avant, titre. Ouais, ouais. Pratiquement, c'est la première chose que j'ai. Et ensuite, j'ai les morceaux. Et jusqu'à présent, les titres de mes albums ont toujours les titres d'une chanson. Donc là, c'est probable que ça soit pareil. Mais je sais pas encore parce que faut qu'il y ait une adaptation entre la musique, donc là, qui est pratiquement finie, mais aussi les visuels. Donc là, on a fait des visuels avec un photographe qui fait beaucoup de photos de groupes de rock sur scène et tout. Okay, c'est, ouais. Vraiment un, c'est vraiment un rocker, quoi. Voilà. Okay, ouais. Et donc, on a une pochette. Photo rock. Voilà, ouais. Donc ça se sent vraiment dans sa façon de faire les photos qu'on a faites il y a deux semaines. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que le titre de l'album colle à la fois au visuel, ouais. Et à la fois à la musique. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais je ne sais pas encore. Alors, on peut dire que le 8e album, il faut comme embrasser le 7e. Ça va aller dans les mêmes. Bah, disons qu'il y a des. Oui, il y a des morceaux qui ont été enregistrés à la même période. Donc, question du son, effectivement, ne sera pas forcément très loin. Mais pour l'instant, au maximum, on a fait la moitié d'album. Donc, il y a encore une moitié à écrire et à faire. Et je dois dire que plus ça va, plus on se donne des libertés. Par exemple, dans l'album 7, là, qui va sortir normalement, je pense à la rentrée, en septembre. En septembre 2023. Il y a un morceau, c'est que du piano un peu bizarre, avec des trucs bizarres. Donc, c'est, par rapport à ce qu'on a fait précédemment, c'est assez différent. Donc, on va dans cette direction où je pense qu'on conserve l'esprit général. C'est quand même assez rock, et puis les thèmes bon, sont un peu les mêmes qu'avant. Mais au niveau de la couleur et tout, et puis de l'intention, c'est plus présent, quoi, c'est plus fort. Mais pour revenir à ton projet scénique, les chansons, est-ce qu'ils vont embrasser le texte ou si les chansons n'ont rien à voir avec ce que tu vas dire? En réalité, comme tu as vu, j'ai pas mal de thèmes qui traversent mes chansons. Ouais. Ça veut dire que sur certains trucs que je voudrais exprimer, j'ai plusieurs possibilités de chansons pour l'illustrer. Et donc après, pour que les thèmes se raccordent les uns avec les autres, j'ai la possibilité de faire des enchaînements de chansons. Et j'ai quand même beaucoup de solutions. Voilà. Et alors, je peux jouer des choses, je peux chanter, bon, évidemment, et puis je peux aussi utiliser des choses qui sont déjà enregistrées. Ok. Tu vois, qui pourraient fond qui me permettent de faire autre chose pendant ce temps-là. Enfin, tu es préparé à faire autre chose. Voilà. Et transition. Puis, voilà, après, je peux aussi rajouter des images. Pour, c'est très, très ouvert pour l'instant. Mais. Nous étions des enfants difficiles, adolescents fragiles, oscillant au bord du vide, partageant le même vertige. Nous avons tourné le dos, courbé l'échine, plié, sans nous casser. Nous avons provoqué, refusé, insisté, forcé le système, la machine, de toutes nos forces. Réunis, nous en sommes sortis, grandis, forts, fiers, intacts. Nous avons lutté, nous nous sommes battus, des boxeurs butés, pleins de haine et de doute, amoureux du bruit et de la vitesse, accélère sans regarder le précipice, combattant de l'inutile, sans raison. Pour tous ceux qui nous épient, nous traquent, nous guettent, nous chassent, voudraient nous voir à terre, nous interdire, forcer le système, la machine, de toutes nos forces réunies, en sortir, grandir. sur la corde raide, miraculé rattrapé de justesse, tout en haut de la falaise, marchant sous le même ciel, réveillé par le même soleil. Et quel réveil quand le jour se lève, pile au moment où tout s'éclaire, pour forcer le système, la machine, de toutes nos forces réunies, en sortir grandi, fort, fier, intact. Ce concept-là, est-ce qu'il fonctionne à plusieurs musiciens ou tu es seul sur scène? Alors, l'idée de départ, c'est seul en scène. Okay. C'est un peu le concept du Cénobar, mais pour moi, c'est bien de commencer comme ça, parce que je pense que si ça fonctionne seul en scène, après, améliorer, rajouter des choses, si on est dans des endroits plus grands, ou si on veut faire plus de musique, ou plus de spectacles. Plus de budget aussi. Et plus de budget, ouais. Peut-être, ben, c'est plus facile d'aller dans ce sens-là que dans l'autre sens. Mais ce qui est bien avec ce projet-là, c'est que tu peux l'amener au Québec partout. Ah ben moi, j'espère bien. Et je vois ce qu'on fait Camille Face et puis Arthur, donc son nom de scène, la Serrature. Ils ont des spectacles seuls où c'est très solide, en fait. Ouais. Et justement parce qu'ils sont seuls, on voit bien l'enchaînement, on voit bien les chansons sont bien amenées. Et donc, c'est ça le... C'est la structure du truc, elle est bien, toi. Donc après, c'est... On peut toujours rajouter de la couleur, des personnages, des trucs. Mais à la base, ça fonctionne bien. Mais ça fait à peu près 60 minutes, hein. Voilà. L'échelle de temps, c'est une heure, ou peut-être un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Quelques minutes de plus. Et il n'y a pas beaucoup d'impro, tout est préparé, la mise en scène est là. Donc tu peux te tenir là-dessus, même si un soir ça va pas bien. Si tu es habitué de te le mettre en bouche, c'est plus facile. Ben, là, l'idée, ce serait plutôt que d'avoir un texte qui est écrit mot à mot et appris par cœur. Parce que ça, je peux le faire, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je pense que ce que je voudrais plus, ce serait avoir les idées des transitions, des choses que je veux dire. Et puis broder autour. Parce que je me base pour faire ça sur ce que j'ai déjà fait sur scène, enfin un certain nombre de fois, où j'ai comme ça une idée, puis un jour je raconte un truc, c'est un peu marrant. Et puis le lendemain, je réessaye avec une autre façon de faire. Mais l'idée de base est la même, mais j'ai la liberté de dire comme je veux et puis aussi d'interagir avec la musique. Et je sais que j'avais fait ça pendant une petite tournée l'année dernière. Et le dernier concert, justement, j'avais dit, bon, non, j'avais 4 fois, j'arrête. Et puis pour m'amuser, j'ai quand même lancé mon truc. Et j'ai parlé pendant, je sais pas, 20 minutes. Et c'était vraiment marrant, c'était vraiment très agréable à faire. Mais il y avait une vraie communication avec les gens parce qu'on se marrait ensemble. Alors, il n'y avait rien de préparé, mais en même temps, tu avais l'élan de l'improvisation. Voilà, mais il y avait ce qui était préparé, c'était l'idée de base du truc. Mais après, voilà. Après, je un peu ce qui me passe par la tête, ce que j'ai fait dans la journée, ce que me disent les gens aussi. C'est que quelquefois, les gens ils réagissent. Ça, la réception des gens aussi. Et j'aimerais plutôt être dans ce fonctionnement qui vient en complément de ce que je fais avec les chansons, où là, c'est formel. Parce que les chansons, il y a les accords, il y a les paroles. Là, je peux pas improviser beaucoup. Non. Donc, tu vois, c'est... C'est ça l'intérêt. Voilà. C'est quelque chose de forgé avec une amplitude d'improvisation à travers ça. C'est comme ça que je l'imagine. Pour l'instant, je suis au départ. Et le 21 mai au soir, à 22h, je te dirai ce qui s'est passé. Oui, mais c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que tu n'as rien de préparé, puis tu as déjà la date de tomber. Ouais, mais je pense que c'est un peu souvent comme ça dans les trucs... Parce que c'est juste 3 mois, là. Ben, tu dis ça pour me faire peur? Oui. Oui. Non, mais par exemple, tu vois, dans notre groupe... on est 4. Les 3 autres, ils ont d'autres groupes. Donc, ils jouent beaucoup à droite et à gauche. Donc, quand on veut faire du studio, enregistrer des chansons, il nous faut 5 jours de suite. Pour avoir 5 jours au mois d'août, on cale les 5 jours au mois d'octobre, d'avant. Tu vois, parce que c'est très compliqué. Okay. Et alors, le truc qui est marrant, c'est dès que j'ai les dates calées, d'une manière presque automatique, hop, j'écris des chansons. Oh, je comprends. Toi, c'est l'urgence qui te fait écrire. Ouais. Je sais que j'ai un truc à faire au mois d'août, je sais que c'est long d'écrire des chansons. Et ben voilà, là on est en février, j'ai déjà deux chansons. Ah, c'est bon. Cinq pour le mois de. Toi, tu travailles dans l'urgence. Ben disons que l'urgence ou le fait d'avoir une échéance. C'est ça. Si j'ai pas d'échéance, ben oui, je vais faire des choses, mais je sais pas trop quand. Tu vas broder, puis là, ça sera pas très bon, puis là, tu vas mettre ça de côté. Voilà. Tandis que là, quand tu dois écrire, tu dois composer, tu t'y mets, puis tu essaies de te donner à ton meilleur, et c'est là que l'adrénaline. Il y a un enjeu, parce que là, je sais que le 21 mai, je vais monter sur scène, et puis voilà, il faudrait que ça soit prêt, quoi. Puis c'est qui va faire ta mise en scène? Ben là, on voit les choses avec Arthur et avec Camille. Donc ils vont beaucoup m'aider, je pense, pour cette partie-là que je connais pas du tout. Okay. Hésiter, zigzaguer, vaciller, osciller, tituber, chanceler. Serpenter, se tromper. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Accepter, trébucher. Accepter, déraper, accepter, basculer, accepter, chavirer. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Tu viens de découvrir ce que trembler veut dire. Respirer, s'échapper, s'envoler, oublier, pardonner, oublier, pardonner. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Ils te connaissent très bien, ils connaissent ton répertoire. Oui. Ils connaissent mon répertoire, on se connaît depuis pas mal de temps. J'aime beaucoup ce qu'ils font aussi, et leurs spectacles sont vraiment super, donc vraiment, pour moi, le rêve, ce serait d'arriver au niveau de ce qu'ils savent faire. Parce que vraiment, j'ai adoré leur spectacle. Ah, donc, en même temps, à partir du mois de mai, tu vas avoir ton projet solo, ton prochain groupe et ton projet théâtre voilà. Chanté. Donc, trois trucs, trois noyaux que tu vas pouvoir proposer voilà, mais un peu partout. C'est un peu les facettes de la même chose. Parce qu'à la base, c'est quand même les mêmes chansons, c'est moi qui raconte mes trucs. Quoi. Sauf que le concept n'est pas le même. Non, après, la matérialisation est différente. Ouais. Est-ce que tu penses aussi à avoir des costumes ou, Oui, j'ai quelques idées de costumes, de fringues pour accompagner des. Pas celui qu'on connaît déjà. J'ai ma veste avec tous les badges. Là, je suis presque obligé de la mettre maintenant parce que les gens disent où est la veste, ils viennent pour voir la veste et... Je vais t'en rajouter. Ah, c'est super sympa. Je vais t'en rajouter, mais t'es pas obligé d'y mettre. Mais j'adore. Ça fait plaisir, puis en plus, ça faisait longtemps que je l'étais amené. Ah, j'adore. Et il y a là-dedans... Merci Rénald pour ces badges. Donc, alors, comme on est à la radio, vous ne pouvez pas les voir, mais non, je les montre au micro. Oui, regarde le micro. Oui, mais c'est des micros visuels. Donc, ah, d'accord. Ouais. Mais c'est des technologies de... Nous sommes à la fin de l'Amérique du Nord. Ah oui, écoute. Donc, je remontre les badges. Oui. Donc, il y en a un comme ça, un comme ça. Oui. Celui-là, il est à l'envers, mais il est super beau. Mais celui-là, il est encore mieux. C'est merveilleux, mais ça, il y a aussi un clin d'œil au film Fight Club. Je ne sais pas si tu l'as vu, Fight Club. Ah non. Non, ok, mais c'est pas grave. C'est quoi, c'est la bagarre? Fight Club, c'est... Le poing dans la figure? Ouais, mais c'est parce que... c'est un personnage qui n'existe pas. Parce qu'il est schizophrène. Donc il se bat avec des personnes qui n'existent pas. Mais ça, on le sait pas. On le sait juste à la fin. Très beau film. Et ben, il y a... Fight Club. Alors, je sais pas si c'est une relation. Puis il y a les Velvet Underground aussi là-dessus à travers ça. Mais il y a le bouquin de Umberto Eco, c'est Le Chevalier Inexistant. Oui, oui, voilà. C'est la même idée? Oui, même idée. Oui. Ben, on a travaillé beaucoup dans la littérature, dans le cinéma, dans le théâtre. On joue là-dessus. Hein. J'adore ce l'être truc. Imaginaire, l'être qui est la schizophrénie, la maladie mentale est toujours. J'adore pas la maladie mentale, mais le coup du personnage inexistant. Oh oui, imaginaire. Ah, tu vois, par exemple, tu parlais de costume, donc il faudrait que j'ai un costume d'invisibilité. Ah, ok, ouais. Tu vois, parce que à ce moment-là, je pourrais faire. Mais tu sais qu'une lumière pourrait représenter ta voix, et on t'entend, mais on te voit pas. Et ben voilà une bonne idée. Ouais. Tu vois, comme ça, je pourrais à la fois faire quelque chose. Non, mais en même temps, tu pourrais, exemple, te préparer à arriver sur scène autrement. Alors, ça peut te permettre de te déshabiller ou de te mettre un autre veston. Ouais. Et même, ça pourrait être préenregistré, cette voix-là, pour que tu puisses vraiment tout enlever. Puis la voix est là, la lumière représente ta voix. Et là, tu arrives sur scène autrement. Eux croient que tu as narré durant que tu changeais, mais c'était déjà enregistré. Comment c'est le principe? Ouais. C'est une idée comme ça, je te lance ça, là. Ben voilà, quoi. Ouais. Tu vois, donc, moi, j'aime bien le côté invisible. Ouais. Mais bon. Pourquoi? Pour regarder ça et... Non, pour avoir la liberté de... Je sais pas. De se déplacer, d'aller à droite à gauche. Il n'y a pas de mauvaise intention. Immatériel. Voilà, ce côté, voilà. Okay. Ah, oui. Immatériel spirituel. Oui. Être un moment précis, à un endroit déterminé, et pouf, disparaître, et se rendre ailleurs. Et profiter des ambiances. Tu vois, par exemple, souvent, je ne me souviens pas forcément de ce que je fais, mais je me souviens des ambiances. Okay. Un signe de la main. Un sourire, un parfum, une silhouette dans le lointain, hier et si loin. Les oiseaux que rien n'arrête chantent à tue-tête, le soleil qui revient alors que c'est déjà demain. Déjà demain. Hier est si loin, les jours qui vont et qui viennent ont tous une fin. Tant de promesses par ce temps de chien pour déborder les rivières depuis ce matin à l'ombre de moi-même. Je ne vois plus rien, je n'entends plus tes je t'aime. Garde-les pour un autre quelqu'un. Déjà demain, hier est si loin, les jours qui vont et qui viennent ont tous une fin. Tu m'entourais de petits riens, ils illuminaient mon chemin, des grains de lumière, aujourd'hui éteints. une silhouette dans la nuit. Le temps qui s'enfuit et le jour se lève en emportant mes rêves. Déjà demain, c'est déjà demain. Tous les rêves ont une fin. Hier est si loin. Ah ouais, ouais, un flash. Ça peut paraître bizarre, mais... Non, un flash. Une peinture. Ouais, ou des endroits, tu sais que là, c'était bien, c'était un bon moment, voilà. En fait, c'est les vibrations qui étaient bonnes. Mmh. On peut dire ça comme ça, ouais. Ouais. Et plus tu travailles, plus tu as le goût d'amener d'autres facettes de la création, parce que tu as fait de la musique, là tu veux faire parler des personnages, qui est peut-être un peu toi aussi. Tu as écrit un livre, donc tu ne veux pas non plus te limiter à une seule facette de l'art. Tu veux exploiter à peu près tout ce que tu peux. Oui, je dirais plutôt que de me dire que je vais exploiter des choses qui existent, c'est plutôt aller dans l'autre sens, c'est-à-dire comment je peux faire pour exprimer des idées que je peux avoir. Ah oui, oui, oui. Par exemple, je me suis rendu compte, justement en commençant à travailler sur ce spectacle, on va dire plus ou moins de théâtre, que si j'écris comme quand j'écris un bouquin, ben, ça devient vachement littéraire. Ouais. Donc, les phrases fonctionnent, mais quand tu les dis, c'est un peu bizarre. C'est voilà, pompeux, ouais. C'est un peu pompeux, ou ça fonctionne pas très bien. Donc, c'est pour ça que je vais pas l'écrire comme j'écris un bouquin, je vais le faire, je vais le dire, tu vois, je vais me mettre en situation et puis je vais me lancer, je vais parler dans le vide. Mais tu peux aussi enregistrer puis après ça l'écrire. Voilà, c'est ça, okay. Je vais faire ça, puis après je retranscrirai des choses pour voir comment ça tourne. Mais... Et puis là, comme c'est au mois de mai, à quel moment tu vas te donner le OK pour partir, pour commencer à y réfléchir? Bah le OK, mais je me le suis déjà donné dès que j'ai eu la date, donc c'était donc avant-hier. C'est assez récent. Au début février. Et ce que je voudrais, c'est que fin février, j'ai en gros toute la structure. Tu vois, c'est-à-dire les chansons, savoir pourquoi telle chanson commence, enfin dans quel ordre elles vont apparaître et quelle est la relation pour passer de l'une à l'autre. Il faisait nuit, il faisait froid, il neigeait sur la mer encore une fois. Le bateau était blanc, couvert de glace, l'orage qui s'approchait était une menace. Un immense trois mâts, plus haut qu'une cathédrale, dont le vent déchaîné déchirait les voiles. À cette époque on naviguait sans carte, sans radio, sans radar, au milieu de nulle part. L'équipage réfugié au fond de la cale avait perdu l'espoir d'un retour au calme, mélangeant les blasphèmes et les prières, mais qui les entendrait au milieu de la mer? Il faisait nuit, il faisait froid, il neigeait sur la mer encore une fois. Sur le pont comme deux démons, le vieux capitaine et son fidèle second. Le premier dans les brumes du Rhum, le second 20 ans à peine. Ils étaient deux fantômes possédés par le diable, rimant comme des damnés pour sauver leur âme. Le capitaine courageux et fier, le second qu'on attendait sur terre. Sa blonde regardait l'orage au loin et le sort s'acharnait sur son marin. Elle voulait le revoir, le prendre dans ses bras, le serrer sur son cœur encore une fois. Il faisait nuit, il faisait froid, il neigeait sur la mer encore une fois. Les âmes perdues des marins téméraires revenaient assister à ce corps à corps. La mort et la mer étaient en fureur, et le trois-mâts si loin de son port. Il faisait nuit, il faisait froid, il neigeait sur la mer encore une fois. Il neigeait sur la mer encore une fois. Il neigeait sur la mer. Arriver avec une idée presque terminée devant les deux protagonistes qui vont t'aider? Je voudrais arriver avec plus que ça, c'est-à-dire avec la structure du spectacle. Et eux vont dire, oui, ça, tu fais ça comme ça, tu fais ça, mais, on changerait ça, mais au moins... Non, mais même plus, c'est-à-dire que je puisse déjà leur jouer d'une certaine façon. Ouais, okay. Tu vois, et que le truc, il dure réellement une heure, tu vois. Pas arriver avec 10 minutes de blabla en disant qu'est-ce qu'on fait après, tu vois, je veux pas, je voudrais un truc qui soit déjà plus complet. Pour que je puisse leur jouer, puis après la mise en scène, moi c'est pas du tout mon domaine, donc ouais, là, ouais. Là ils pourront m'aider là-dessus. Ok, alors toi ce que tu veux, c'est arriver avec les chansons et le texte, et ouais. Tu vas te présenter un peu comme devant ton micro, et eux vont dire, après plus tard, ben là, moi je voudrais comme ça. Puis, voilà, puis peut-être réorganiser les choses, mais que j'ai quelque chose d'à peu près complet. Tu vois, par exemple, quand j'écris une chanson, je la fais écouter à des gens extérieurs, quand je considère qu'elle est vraiment finie, complètement finie. Et après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer encore après, mais je veux être sûr d'avoir bien vu tout ce qui est important pour moi. Quand tu donnes un truc à moitié fini, ben, forcément, tout le monde a des idées, et après tu te perds. Ouais, parce que c'est pas encore figé. Donc voilà, c'est un peu, tu perds l'idée. Ouais, c'est moi, c'est comme ça que ça me fait, et je veux éviter ça. Est-ce que tu travailles souvent avec les musiciens en même temps, et si vous faites... ligne par ligne, donc les guitares, après ça, la batterie. Ben maintenant, comme ça fait vraiment longtemps qu'on joue ensemble, on n'a plus du tout un fonctionnement, je dirais, linéaire. C'est-à-dire que... Ben je vois ce qu'on a fait hier au studio, on est parti d'une chanson qui était enregistrée, et en fait, on a tout changé. On a changé les parties de batterie, mais à partir de ce qui était enregistré, qu'on a repris du bout dans tous les sens. Et ça peut fonctionner que parce qu'on se connaît très très bien. Ah ouais, c'est ça. Et qu'on dit, ah oui, tiens, là, on va t'avertir les trucs, on va mettre ça, on va pas mettre ça, on va raccourcir des parties, on va rallonger des trucs, on va rajouter des instruments bizarres. Ça, tu peux pas le faire si tu as un fonctionnement carré, ouais. Du genre je fais la batterie, puis la basse, puis les guitares, puis je sais pas quoi. C'est un peu comme le jazz, tout le monde est en même temps un peu au niveau. Ouais, c'est ça. Et on réfléchit, et comme on se connaît, ben, on comprend ce que veulent dire les autres, même si on ne se parle pas beaucoup. Et pour moi, c'est une richesse énorme, parce que c'est vraiment agréable à faire. Et le résultat est vachement mieux que si on avait fait un truc formel. Ouais, là je pense que j'aime beaucoup ce fonctionnement-là. C'est un fonctionnement où, tu vois, je disais tout à l'heure invisible, il y a comme des choses invisibles qui passent entre nous et qui se traduisent dans la musique en fait. Mais quand on entend tes chansons, on le sent aussi. On sent qu'il y a quelque chose de spontané, de vivant, de pas préparé, tu sais, quelque chose de préparé, oui, mais pas de statique. Ouais, et ben il y a des morceaux maintenant, je dirais, c'est un peu comme à ça qu'on arrive, c'est-à-dire que la chanson, on va dire, est finie quand on rentre dans le studio. Mais les arrangements ne sont pas faits du tout. Et c'est là qu'on utilise des trucs et qu'on, quelquefois, on se lance sur des choses complètement différentes de ce qu'on a fait avant. C'est vachement riche, vachement intéressant et un peu expérimental. Mais on se donne l'autorisation d'essayer des choses. Thank you. prairies noires, des nuits blanches. Je marche dans les rues, vide de sens. Les feux passent du rouge au vert, mais pas un passant dans ce désert. Dans cette ville pleine de pourquoi, où je suis venu rien que pour toi. Et me voilà avec mes lunettes noires, ma chemise blanche et mon costard. Au coin de ta rue là, de t'attendre sans savoir si tu es là. Toi qui tutoies le ciel, qui éclipse le soleil, alors que seules les rangées de réverbères gardent encore de la lumière pour moi. Pour me guider dans ces ruelles cruelles de cette ville hostile, sur ces trottoirs immenses où je vois tout qui penche, où j'entends mon sixième sens, la voix de ma conscience me prier de m'en aller, me crier de m'envoler. M'échapper, m'évader, sans me retourner. Où j'ai la folie d'imaginer que nous pourrions habiter pour regarder la mer danser, partager nos nuits d'été, nos illusions et nos secrets, nous retrouver, nous envoler. Plus haut que les trottoirs qui penchent, que les rangées de lumière blanche, que les tours de verre qui grattent le ciel, tutoyer le soleil. Une série noire de nuit blanche. Je marche dans les rues vides de sens. Je marche dans les rues. Je marche dans les rues. C'est vrai, parce que si on se réfère à un de tes disques où tu reprends la même chanson deux fois... Vas-y. Été comme hiver, on l'a enregistré deux fois, oui. Oui, non, ouais. Mais aussi la chanson que tu fais où il y a une jeune fille qui chante, là... comment ça s'appelle, donc? C'est une genre de petite ritournelle, là. Toi, tu la chantes, puis plus tard sur l'album, elle reprend cette chanson-là. Ah, Dangereuse Vision. Oh, voilà, exactement. Ouais. Exactement. Mm. Ah oui, ben là, c'est complètement différent. C'est ça, mais c'est le même texte. Oui, oui. Mais c'est des mélodies différentes. Voilà. Et c'est à ça que tu vas en venir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de la même base, on arrive à deux résultats différents, parce que c'est deux chanteurs différents. Là, c'est un chanteur et une chanteuse. Et ça, je dois dire, on l'a fait sur mon troisième album, donc il y a un certain temps. Et maintenant, on est arrivé à un stade où on est beaucoup plus libre. C'est qui la jeune fille qui chantait? Eh ben, c'était ma fille, Capucine. Qui reste à Montréal. Voilà, qui habite à Montréal. OK, très belle voix. Donc en ce moment, elle a les pieds dans la neige. Oui, oui, et dans le froid. Et dans le froid. OK, OK, c'est Capucine, si tu m'entends, n'oublie pas de mettre ton bonnet. Ouais, mais si c'est diffusé au mois de juillet, c'est... ça marche un peu moins. Bon, ben enlève ton bonnet, il fait trop chaud. Mais c'est ça, donc, c'est en fait la même chanson qui peut vivre autrement avec une autre mélodie. Mmh. Voilà. Mais c'est bien ça, c'est intéressant, parce que c'est pas figé. Pas du tout. Et là, on utilise les possibilités du studio qu'on ne peut mettre en œuvre que quand on est dans le studio. Ah oui. Tu vois, on ne peut pas être assis chez nous en disant « Ah là, on va mettre des reverbs, des machins, des trucs » pour les entendre. Mais quand tu t'en vas en studio, ça se fait en banlieue de Paris? Comme là, alors, non, en fait... Ben hier, tu t'es rendu à... Donc, on va au studio à Rouen. À Rouen, oui. Et donc là, mon septième album, donc c'est le sixième qui est enregistré dans ce studio-là, qui s'appelle Accès Digital. Mais avant tout ça, tu t'es pratiqué avec ton groupe? Ah ben avant, j'ai écrit les chansons, oui. J'ai fait les démos chez moi, donc ça c'est déjà beaucoup de travail. Mais tout le groupe a travaillé ensemble? Et ensuite, on a répété avec le groupe. Avant de te rendre à avant d'aller au studio. Okay. Mais c'est arrivé un certain nombre de fois qu'il y a des chansons qu'on n'ait pas du tout répétées. Ok. Et qu'on a en quelque sorte fabriqué dans le studio. Et c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça nous donne. On a une grande liberté, puis surtout on peut utiliser tout le truc du studio. Si tu répètes tout bien carré avant, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes dans le studio, tu enregistres la répétition mieux. Ah ouais, si tu veux. Ah ouais. Alors que là, on a des possibilités de choses tout à fait différentes qu'on pourrait pas forcément faire en direct en fait. C'est vrai. Puis comme ça coûte cher un studio, il faut déjà. Être prêt, là, oui, alors, moi ce que j'aimerais pas, c'est avoir des chansons pas finies, tu vois. Oh, oui, c'est là, c'est infernal, par contre. Oh, oui. Parce que tu dois écrire des paroles au dernier moment, là. Ça me plaît pas du tout. Non, non, non. Toi, il faut déjà que ce soit prêt. Ouais, déjà. Faut que la chanson soit jouable. Mm. Tu vois, que si tu as joué comme ça dans un bar ou n'importe où, qu'on puisse la jouer avec notre groupe. Puis après, ben, c'est en studio là, que tout se transforme, tout prend un sens. Voilà. Tout prend un sens par rapport à une chanson et les chansons les unes par rapport aux autres aussi. Mm-hmm. Pour qu'à la fin, ben, comme je disais tout à l'heure, ben, l'album c'est assez diversifié quand on passe d'une chanson à l'autre. Avoir le monde à mes pieds, il m'arrive d'en rêver. Mon nom en capitale, le délire dans la salle. Par simple curiosité, j'aimerais bien que ça puisse m'arriver. Rien qu'un instant, rien qu'un instant, rien qu'un instant. Je ne demande pas la lune, mais ma photo à la une me ferait sortir de l'ordinaire. Changer de vie, changer d'air, une seule fois me suffirait pour voir l'effet que ça fait. Rien qu'un instant, rien qu'un instant, rien qu'un instant. Un jour de gloire sur mesure, des photos sous toutes les coutures, de grandes affiches avec ma gueule, mon public pour moi tout seul. Même si ça ne dure qu'un instant, je voudrais que ce moment ce soit maintenant.